Bon, on va essayer de savoir qui c'est qui fait ça, parce que les feuilles, c'est pas des photocopies. Fais voir la première partie. C'est des originaux. Fais voir la première partie, fais voir. Je crois qu'il y a un GG Presley ou un truc. Alors, moi, je vais vous lire. GG D'Agostino, alors les zoophiles du 15e break. GG et George Michael, fuck me off before you go, you go. Et non, mais ça, de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'ils s'amusent avec comme ça, ben ça va aller vite. Hein. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Hein. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec, il va être mal si je le chope. GG Presley, avec Love Me Tender, Love Me True. Non, mais ça vous fait rire, mais de manière, tant qu'on s'attaque pas à votre vie privée, vous en avez rien à foutre. Moi, c'est parce mais que ça m'énerve, privée, moi, que je rigole. La vie privée des autres, ça, vous en avez rien à foutre. La vôtre, vous, ça vous fait rien, mais tant que c'est sur moi, vous en lavez les mains. Gégéto, ça va. Attention, Gégéto qui est pas beau, Timothy Foucault. Oh là, chaud. C'est du zouk, ça. Alors, Laurent Graphique de Garnier. 209 Big Babouche. Non mais je te préviens. De quoi Non mais je te préviens Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce que ça va. Non mais je te préviens. S'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, du shampoing. Non mais ouais, mais fais gaffe toi. Fais gaffe parce que je me demande si c'est pas vous qui essayez de faire conneries derrière mon dos. Il y a marqué Laurent Graphique de Garnier. Ouais, non mais attends. The Big Babouche. Mais soi-disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppe pour savoir d'où ça vient. C'est Dalida, nous, Dalida. Non. Attendez, parce que là ça va loin. Dalida, là, dire la dada. Oh. GG l'amour aux os. La chanson qui te donne envie. Et de gratter la mandoline. Alors, vilaine fermière, sodomatique-moi. Mat GG 160064. M et GG, le complexe de la corne flash. Flasque, pardon. Et donc, effectivement. Les documentaires aussi. Alors, tiens, putain, le mec, il va aller loin. Il est mal. Mais les documents, je viens de les lire. Non, relis les documentaires, là, en bas. Donc, alors, c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière, la vie sexuelle des pitbulls, la cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là... Toi, espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ouais, ça vaudra mieux. Je n'ai point ri. Hein? Parce que ça, c'en est qui se sont amusés ici, parce que c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. Ici. Bah, attends, mais c'est pas du courrier envoyé. C'est du courrier. C'est du courrier fait ici et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, c'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un bulletin trimestriel également, non Gérard. Adresse, Pont-sur-Aisne, terminal 2. T'es en terminal toi? Non, c'est la rame du bus. Parce que t'es en terminal 2 et nombre d'absences 365 jours, ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques, 3,14. Alors après, il y a appréciations du professeur. Problème de conversation. Français, 7 sur 20. Élocution, apocalyptique. Géographie, histoire, 2 sur 20. Concept de l'Europe, mal acquis. Anglais 1 sur 20, parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Je sais pas, il pète les plombs, tu vas mordre du salé. Il arrive pas à ouvrir la porte. Putain. Oh, tu glamours toi! Tu glamours des vitesses! Putain! Eh, tu glamours! À toi, je te. Est-ce que je t'attrape sur le dépôt de ta mère? On vient de vivre un moment extraordinaire qui est visuel. Vous savez, pour accéder au studio, il y a deux portes sas, il y en a une qui était fermée, il y en avait qui tenait la porte de l'autre côté et Gérard tapait dedans alors que c'est des quadruples vitrages. Et on l'a écouté. T'as compris toi? Si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. La carte orange? Ouais. Fais voir si c'est sa carte orange. Fais-moi ma carte orange. Ah non. Fais voir. Non. De toute façon, il s'en fout, il rentre jamais chez lui. Non. Il dort à la radio. Pourquoi? Non, tu vas retirer ce que t'as planqué. D'accord. Tu vas retirer ce que t'as planqué tout de suite. Putain. Va chercher la jambe tout de suite.